Schmeiß dich doch gleich bei ab. Dada e surrealismo. Um programa de Inês Coelho. Segunda parte. Dadaístas ganharam com o surrealismo uma dimensão mais séria, mais intelectual, mais teórica, embora não tenha ocorrido uma fusão entre estes dois movimentos e Marcel Duchamp nunca tenha aderido ao surrealismo. Esta ligação ocorre por meio da revista francesa Littérature, encabeçada por André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon e Philippe Soupeau. O surrealismo nasce na França vitoriosa dos Anos Loucos. A partir de 1919, os poetas André Breton, Louis Aragon e Philippe Soupeau entregaram-se a exercícios de escrita automática, criaram a revista Littérature, redigiram poemas e manifestos. Breton, devido ao dadaísmo, pensou em novas perspectivas, deu-se uma nova era de lucidez. Picabia rompe nesta altura com Breton e ataca-o violentamente, mas outros pintores colaboram na revolução surrealista. Juan Miró, Max Ernst, Giorgio de Chirico, André Masson, Hans Arp, Yves Tanguy. A linguagem metafórica do inconsciente põe em questão as aparências, realça o sentido oculto das imagens e permite a definição de um processo estético ligado ao poder de epifania dos objetos ao desdobramento das imagens. termo surrealista pensa-se ter sido usado pela primeira vez por Apollinaire em 18 de maio de 1917, na apresentação de um bailado, e é André Breton que define o surrealismo como automatismo psíquico puro, através do qual se propõe exprimir, quer verbalmente, quer escrito, quer de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. De 1924 a 1928, durante a primeira fase surrealista, Picasso, Max Ernst, Miró, Masson recorreram à colagem e às mais variadas técnicas de escrita automática, com o objetivo de dar liberdade de expressão ao inconsciente, sob a influência do álcool, da fome ou da droga. Mais tarde, Henri Michaux utilizará a mescalina para atingir um estado de transe hipnótico e produzir obras de um grafismo contrastado, nervoso, de uma beleza transcendental. Max Ernst inventa, em 1925, a técnica de raspagem. André Masson retoma a técnica da areia usada antigamente pelos índios. Estes artistas produzem assim quadros irreais, abstratos, com referências marginais à simbologia do inconsciente, dos quais exclui qualquer perspectiva. Em 1925, realizam-se em Paris duas exposições de pintura surrealista, com Pablo Picasso, Paul Klee, Man Ray, Pierre Roy, Masson e de Quirico. Em 1928, André Breton publica o livro O Surrealismo e a Pintura, ilustrado por Picasso. A partir de 1929, sofre-se uma crise entre os surrealistas a propósito da atitude a adotar face ao exílio de Leon Trotsky. Thank you. Tout mon besoin de savoir était concentré et était braqué sur Rimbaud. Je devais même lasser Valérie et Apollinaire à vouloir à tout prix les faire me parler de lui, et ce qu'ils pouvaient m'en dire restait, comme on pense, terriblement en deçà de ce que j'attendais. Il va sans dire que Vacher manifestait au sujet de Rimbaud la plus grande intolérance, mais là, son pouvoir sur moi cessait de jouer. J'étais comme sous le coup d'un envoûtement. Ce qui put, un peu plus tard, y apporter un dérivatif, c'est le changement d'affectation qui, du jour au lendemain, me fit assistant du docteur Raoul Leroy au centre psychiatrique de la 2e armée à Saint-Dizier. Était dirigé sur ce centre les évacués du front pour troubles mentaux, dont nombre de délires aigus. D'autre part, divers délinquants en prévention de conseils de guerre pour lesquels un rapport médico-légal était demandé. Le séjour que j'ai fait en ce lieu et l'attention soutenue que j'ai portée à ce qui s'y passait ont compté grandement dans ma vie et ont eu sans doute une influence décisive sur le déroulement de ma pensée. C'est là, bien que ce fût encore très loin d'avoir cours, que j'ai pu expérimenter sur les malades les procédés d'investigation de la psychanalyse, en particulier l'enregistrement, aux fins d'interprétation des rêves et des associations d'idées incontrôlées. On peut déjà observer en passant que ces rêves, ces catégories d'associations, constitueront au départ presque tout le matériel surréaliste. C'est que dans ces numéros d'octobre à décembre 1919, Littérature publie, sous ma signature et celle de Soupeau, les trois premiers chapitres des Champs magnétiques. Incontestablement, il s'agit là du premier ouvrage surréaliste et nullement dada, puisqu'il est le fruit des premières applications systématiques de l'écriture automatique. Cet ouvrage est déjà achevé depuis plusieurs mois. La pratique quotidienne de l'écriture automatique, il nous est arrivé de nous y livrer 8 ou 10 heures consécutives, a entraîné de notre part des observations d'une grande portée, mais qui ne se coordonneront et ne tireront pleinement à conséquence que par la suite. Il est donc inexact et chronologiquement abusif de présenter le surréalisme comme un mouvement issu de Dada ou d'y voir le redressement de Dada sur le plan constructif. La vérité est que, dans Littérature, aussi bien que dans les revues Dada proprement dites, textes surréalistes et textes Dada offriront une continuelle alternance. Alors comment se présente donc, en ce début de l'année 1920, l'activité Dada proprement dite ? Dans l'activité Dada, telle qu'elle se développe à Paris, je pense qu'on peut distinguer 3 phases. Une phase de très vive agitation, suivant de près l'arrivée de Zara à Paris et sous sa dépendance directe, qui peut être comprise entre janvier et août 1920, sans grande reprise à la fin de cette même année. Une phase plus tâtonnante, tendant toujours à la poursuite des mêmes buts, mais par des moyens radicalement renouvelés, sous l'impulsion surtout d'Aragon et de moi, que je situe de janvier à août 1921. Enfin, une phase de malaise ou l'essai de retour aux formes de manifestations initiales a vite fait de décevoir les derniers participants et où les dissidences se multiplient jusqu'en août 1922 qui marque la date d'extinction totale de Dada. Dès le printemps de 1923, Dada, depuis plus de 2 ans fort malade, entre en agonie. Son dernier sursaut sera la soirée du cœur à gaz en juillet. L'ère du surréalisme proprement dit a commencé. Le temps d'en finir avec certains regrets, certaines faiblesses d'ordre sentimental. Et Littérature, nouvelle série, reparaît sous ma seule direction. Un noyau éprouvé pour sa cohésion et sa solidité est constitué par Aragon, Éluard, Ernst, Perret et moi. Dès ce moment, un autre noyau d'activité est venu fusionner avec lui, qui se compose de Jacques Baron, René Crevel, Robert Desnos, Max Maurice et Roger Vitrac. On n'enregistre sur l'époque précédente aucune déperdition d'énergie, bien au contraire. Une conférence donnée par moi à Barcelone au cours d'un voyage avec Picabia rend assez bien l'atmosphère de cette époque. Sous le titre « Caractère de l'évolution moderne et ce qui en participe », elle prend place dans mon ouvrage « Les pas perdus ». L'écriture automatique connaît alors un très grand regain et plus que jamais l'attention commune est attirée sur l'activité onirique. Tout ce qui préoccupe alors les uns et les autres est jeté quotidiennement sur le tapis et donne lieu dans l'ensemble à des débats très animés, très cordiaux. Des rivalités surgiront plus tard. Je crois pouvoir dire qu'est mise en pratique entre nous, sans aucune espèce de réserve individuelle, la collectivisation des idées. Si l'on peut parler à propos de surréalisme, comme l'a fait Monroe dans « La poésie moderne et le sacré » de Bund, au sens de groupe dont les membres ne sont liés que par des liens d'élection, force est de constater que c'est là définitivement qu'ils s'agrègent. Nul ne cherche à rien garder pour soi, chacun attend la fructification du don à tous, du partage entre tous. Et rien n'est alors en effet plus fructueux. Quand je vois aujourd'hui des esprits par ailleurs notables se montrer si jaloux de leur autonomie, tenir si manifestement à emporter leurs petits secrets dans la tombe, je me dis qu'on a rétrogradé. Et qu'en ce qui les concerne, quoi qu'ils en pensent, ils ne tiennent pas le bon bout. Les expériences de sommeil, bien qu'antérieures à la publication du premier manifeste, font partie intégrante de l'histoire du mouvement surréaliste. Les déclarations théoriques du manifeste reposent non moins sur elles que sur les spéculations auxquelles a conduit le recours de plus en plus étendu à l'écriture automatique. Il se passe de toute autre base de soutènement. À ce sujet, je crois qu'il serait intéressant que vous analysiez les aspirations et les conceptions qui ont déterminé toutes vos recherches et celles de vos amis dans le domaine du subconscient. Il importe au départ de bien saisir l'unité de la démarche qui préside à la pratique de l'écriture automatique, à l'étude des manifestations auxquelles donne lieu le sommeil provoqué. Dans les deux cas, ce qu'il s'agit d'atteindre et d'explorer n'est autre chose que ce qu'on appelle les états seconds. Vous me demandez d'où vient la prédilection que nous avons pu marquer à ces états. C'est bien simple. Ce qui nous a passionnément intéressés en eux, c'est la possibilité qu'ils nous donnaient d'échapper aux contraintes qui pèsent sur la pensée surveillée. L'une de ces contraintes, et la plus grave, c'est l'assujettissement aux perceptions sensorielles immédiates qui, dans une grande mesure, fait de l'esprit le jouet du monde extérieur. Je veux dire que, dans les conditions normales de l'idéation, nous ne pouvons nous abstraire que partiellement de ce qui tombe sous nos yeux, frappe notre oreille, etc. Et que les impressions qui en résultent, du fait de leur caractère parasite, ne peuvent manquer de fausser le cours de cette idéation. Une autre contrainte non moins rigoureuse et que nous éprouvions le besoin irrésistible de secouer, c'est celle que fait peser l'esprit critique sur le langage et d'une manière générale sur les modes les plus divers d'expression. Nous estimions, et pour ma part j'estime encore, que si l'on voulait soustraire ces mondes d'expression à la sclérose de plus en plus menaçante, rendre le verbe humain à son innocence et à sa vertu créatrice originelle, il était indispensable de couper les entraves qui le rendaient incapable de tout nouvel essor. Oui, mais votre ambition n'était pas cependant d'ordre poétique, nous le savons. Quelles sont donc ces entraves que vous vouliez briser, ces limites qui paralysaient votre action ? Ces entraves étaient de l'ordre de la logique. Le rationalisme le plus étroit veillait à ne rien laisser passer qui n'eût été estampillé par ses soins, de l'ordre de la morale, sous forme de tabous sexuels et sociaux, de l'ordre enfin du goût, régi par les conventions sophistiques, du bon ton, peut-être les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Nous nous refusions à la tenir pour la voie du bon sens, mais bien plutôt pour celle du sens commun le plus éculé. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à cultiver à l'école, nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro un. Sans doute, mais qu'opposiez-vous donc à ce sens critique ? Mais l'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver au souvenir de l'enfance. On ne peut plus à contre-courant, en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée, qui était l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme, nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. Como é que o inconsciente é visto como um princípio de criação para a arte surrealista? André Breton era também médico-psiquiatra, estudioso de Freud, cuja teoria do inconsciente abria à pesquisa uma vastíssima região da psique. O inconsciente pensa por imagens e, como a arte formula imagens, é o mais adequado meio para trazer à superfície os conteúdos profundos do inconsciente. Na primeira fase da poética surrealista, a arte possui justamente um caráter de teste psicológico, mas para que este teste seja autêntico é preciso que não haja intervenção da consciência e que o processo de transcrição desses conteúdos inconscientes sejam automáticos. Claro que isto nunca pode acontecer, exceto, por exemplo, em situações de transe ou de loucura. O inconsciente não é apenas uma dimensão psíquica explorada com maior facilidade pela arte, através de imagens, como é a base e aquilo que dá dimensão à arte. A libertação dos conteúdos do inconsciente é um princípio estético, um princípio de criação artística. A consciência é a região do distinto, o inconsciente é a região do indistinto. A arte, para além de representação, é entendida como uma comunicação vital. Veicula mensagens biopsíquicas pessoais através de símbolos. Tal como na teoria e terapia psicanalíticas, na arte é de extrema importância a experiência onírica, da qual conteúdos inconscientes surgem e são associáveis por ligações e lógicas. Isto é, o surrealismo decompunha ou demolia o antigo sistema de relações lógicas conscientes em arte e instaura um novo conhecimento da realidade, um conhecimento que se manifesta por impulsos, por mensagens inconscientes. E no ponto de vista técnico, quais são os princípios do surrealismo? No ponto de vista técnico, o surrealismo apropria-se da desinibição da fúria dadaísta e subverte o significado habitual das coisas. Técnicas tradicionais de pintura, só que os temas mudam. As figurações colocadas nos quadros têm contextos e modos de relacionamento diferentes do que era habitual. Como quem narra os maiores disparates ou as coisas mais absurdas, mais incríveis ou mais incongruentes, de um modo sério, banal e aparentemente objetivo. O movimento surrealista desenvolveu-se a parte de programas racionalistas para a arquitetura e o design industrial, mas em oposição a eles. Com que razões os surrealistas se mostram revolucionários? No surrealismo, encontramos duas tendências, duas maneiras de pensar, duas posturas políticas. A arte como consciência e a arte como inconsciência. Se o racionalismo arquitetónico e o projeto industrial funcionalista visam uma reforma gradual das estruturas sociais, o surrealismo, no início, proclama-se extremista e revolucionário. É, no entanto, evidente que uma poética do inconsciente dificilmente se pode associar a uma ideologia política. A postura revolucionária surrealista é apenas subversão, revolta contra a repressão dos instintos, contra o amestramento, a domesticação do homem, da civilização, é contra o bom senso, o decoro burguês e a favor da imaginação ao poder. No âmbito da poética surrealista, virão a definir-se dois polos contrários. O comunismo de André Breton e a ostentação reacionária de Salvador Dalí. O inconsciente revelado através da arte surrealista, com aparente objetividade, é o reverso, a outra face da lucidez racional, da eficiência, da clareza de visão do burguês. A arte surrealista pretende, em suma, demonstrar que a mentalidade acomodada e domesticada do burguês, que as enaltecidas virtudes da classe no poder ou da classe dominante, não passam de uma fachada a todos os níveis. A relação entre o surrealismo e o dadaísmo é complexa. Apesar das suas semelhanças em atitudes e intenções, os dois acabam por se distinguir pelas soluções que apresentam. Porquê? Nasceu com um ímpeto otimista. Procurava aproveitar de um modo bom o dadaísmo e as suas atitudes. O dadaísmo é negativo, negava tudo, negava-se a si mesmo. O surrealismo sai das ruínas causadas pelo círculo vicioso dadaísta e apresenta um caráter afirmativo. Perante o Manifesto Canibal de Francis Picabia, o dadaísmo estava reduzido ao impasse. Não tinha soluções alternativas. Ouçamos o Manifesto Canibal. Estão todos acusados, levantem-se. O que fazem vocês aqui, arrumados como ostras solenes? Dada nada sente, nada é nada, nada. Dada é como as vossas esperanças, nada. Como o vosso paraíso, nada. Como os vossos artistas, nada. Como a vossa religião, nada. A relação entre o surrealismo e o dadaísmo é complexa. Em muitos aspectos eram semelhantes nas intenções. Politicamente, o surrealismo herdou a atitude de atacar o gosto burguês, de ver o burguês como um alvo a atingir, e continuou, em teoria, o massacre às formas tradicionais de arte. Artistas previamente associados ao dadaísmo juntaram-se aos surrealistas. Só que é quase ridículo dizer que a obra de um Hans Arp, um Max Ernst ou um Man Ray sofreu grandes alterações na passagem de um movimento para o outro. O próprio Hans Arp disse que expôs com os surrealistas porque eles tinham uma atitude rebelde face à arte e a sua atitude direta com a vida era tão sensata como a de Dada. A diferença está no aspecto que o surrealismo quis ser empreendedor. Gerou ordem, teorias, receitas, normas de procedimento. Dada era completamente anárquico e destrutivo. O surrealismo era ordenador e construtivo. Something lies beyond the scene, the Entre de Chine, Marine, Obscene, Horizon in hell, black as a bison. See the tall black egg on the sofa in the Alamo, his bill rope, a mustache, clear as a great bell. Waves in 1880, muscles come, late with tambourines, a rustling of foam. They answer to the names of ancient dames and shames, and only cool horizons their home. A coldly wheeze, Chinese is these black armored things that dance the breezes, seeking for horizons. Why? From her orisons, in her white vermilion pavilion by the seaside, the doors clang open and hide where the wind died. Nothing but the princess, a cockatrice, a leap, a dancing a caprice to the wind's tambourine. De que forma os surrealistas utilizaram o transe hipnótico? Elle jeune les yeux, son lèvre jeune, elle la lit tresse. Elle jeune les yeux, son lèvre jeune, elle la lit tresse. Elle jette les yeux, son lèvre, je traîne la lit, très soi-même. Elle jette les yeux, son lèvre, je traîne la lit, très soi-même. Appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, gramme par gramme, rien qu'à moi, tu n'auras sœur de ton. Rien, suis pour les gens comme moi, non. Un si bon nom, un peu tard d'ici, ça. Madame, je sais ça, s'écrit comme en nuit dernière. Oh, je veux que je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, gramme par gramme, rien qu'à moi, tu n'auras sœur de ton. Rien, suis pour les gens comme moi, non. Ah là, ça doit un si bon nom, un peu tard d'ici, ça, madame, je sais ça, c'est comme en une dernière. Antes, no primeiro manifesto, de 1924, num artigo intitulado Entrée des Médiums, 1922, André Breton descreve a excitação que um grupo de pessoas sentiu quando descobriram que, enquanto estavam num transe hipnótico, alguns deles, principalmente Robert Desnos, produziram assombrosos monólogos, escritos ou falados, preenchidos com imagens vivas, impossíveis de conceber em estado consciente. Porém, uma série de incidentes perturbadores, como a tentativa de suicídio, levou ao abandono destas experiências. Breton, no primeiro manifesto surrealista, evita qualquer discussão sobre a utilização e ficar sob o efeito de drogas ou ser hipnotizado, acentuando ou sublinhando a criação surrealista como uma atividade natural e não induzida. E o automatismo, que papel tem no surrealismo? Thank you. Os surrealistas acentuaram que o automatismo revelaria a verdadeira natureza de cada indivíduo que o praticasse. O automatismo é mais completo, mais autêntico que as criações inconscientes. O automatismo é o meio mais perfeito para atingir ou soltar conteúdos inconscientes. Quando é que o surrealismo se internacionaliza? Só em 1936, o surrealismo se internacionaliza, ficando até lá um movimento francês centrado em Paris. No que é que acredita o surrealismo? O surrealismo acredita na superioridade de certas formas de associações literárias e plásticas, até então negligenciadas. Acredita na omnipotência do sonho, no jogo desinteressado do pensamento. Procura substituir os mecanismos triviais de pensamento e pôr em primeiro lugar a imaginação. Vivemos ainda sob o reino da lógica, mas os processos lógicos dos nossos dias já não se aplicam, a não ser na resolução de problemas de interesse secundário. O racionalismo absoluto, que continua na moda, apenas permite considerar factos que digam respeito estritamente à nossa experiência. Os fins lógicos, pelo contrário, escapam-nos. Sob a aparência de civilização, sob o pretexto do progresso, chegou-se a banir do espírito tudo aquilo que se pode chamar, com ou sem razão, de superstição ou quimera. O surrealismo está animado pelo desejo de encontrar o segredo, escondido pelo racionalismo e deformado pelo cristianismo, de um pensamento mágico, de um poder perdido. Quais é que são as fontes literárias do surrealismo? vertentes literárias do surrealismo são o romance negro, gótico, autores como Horace Walpole, Anne Radcliffe, a literatura fantástica, autores como Edgar Allan Poe ou Hoffman. O romance gótico chama a atenção dos surrealistas pelas suas capacidades de pôr em questão o que é real, de contestar a ordem comum das coisas, o racional. Madame la Dauphine, fine, fine, fine, fine, ne verra pas, ne verra pas le beau film. On y a fait tirer les verres du nez, car on l'a mené en terre avec son premier-né, en terre et à Nanterre, où elle est enterrée. Madame la Dauphine, fine, fine, fine, fine, ne verra pas le beau film. On y a fait tirer les verres du nez, car on l'a mené en terre avec son premier-né. En terre et à Nanterre, où elle est enterrée. São igualmente influenciados pelos textos do Marquês de Sade, por Hegel, pelos românticos alemães, como Novalis, pela arte dos loucos, pela arte primitiva, pela psicanálise, pelo simbolismo, pelo dadaísmo. Monsieur le comte d'Artois est monté sur le toit faire un conte d'ardoise. Toi, toi, toi, toi, et par par la lunette nette nette pour voir si la lune est plus grosse que le doigt. À vapeur et sa cargaison, son, son, son, son, son, son, ont échoué contre la maison, ont échoué contre la maison. À vapeur et sa cargaison ont échoué contre la maison. Chipons de la graisse, droit, droit, droit, droit, droit, droit, droit, pour en faire des canons, pour en faire des canons. Chipons de la graisse, droit, pour en faire des canons. Thank you. De que forma os surrealistas viam o erotismo, a sexualidade e o amor? O erotismo e a sexualidade torna-se para o surrealismo uma forma de exprimir os desejos mais secretos e misteriosos, de expressar o inconsciente, de manifestar a vontade de insurreição contra as barreiras impostas pela cultura. Forças constrangedoras reprimiram os desejos legítimos humanos. A moral cristã, com as suas obsessões repressivas, foram ao ponto de mutilar a mulher no seu desejo. Segundo os surrealistas, o cristianismo diminuiu a mulher, submeteu a humanidade, originou uma regressão social e cultural. A história do Ocidente é a história da repressão do desejo, da sensualidade do corpo. Tudo isto tem de ser reabilitado. Sade é um dos heróis do surrealismo. Inicia uma nova moral do amor, sem restrições mentais, uma liberdade integral das paixões, indício da realização total do homem. O surrealismo quer romper com os conceitos acomodados, reinventando a arte tradicional, inspirando-se em manifestações marginais de arte. Em que consistia esta inspiração? Among the fists and feathered corn, the unicorn is to fall on the sun-faced sheep. A sit and sleep, a periwig, yes, we lead, and then there we weep. Sally, Mary, Matty, what's the matter? Why cry? The huntsman and the red colored sun and I sigh. Oh, the nursery maid Peg, with a leg like a peg. Chase the feathered dreams like ants, and when they laid an egg in the sheepskin meadow, where the serene king of dreams would have steered. A horse and hounds then he, in the shade of a tree, picked it up, spoiled to boil for nursery tea, said the mourners. In the court tower strain, as tall as a crane, came chasing down my feathered grain, no, no one goes again. An old dull mole with a head like a pole, seeing the world as a bear egg laid by the feathered air. Meg would beg three of these for the nursery teas. Of Jaffa, Chem, and Ham, she shed it underneath the trees, where the boiling water hissed. Oh, where the goose king's feathered daughter, a feathered daughter, a kiss. A pot and pen and copper kettle put upon their complement. Lest the flood begin again through these, again through these. Na pintura, o surrealismo quer o olho num estado selvagem. Não quer competência técnica, harmonia, equilíbrio. A cultura reinante abafou a inocência. O surrealismo quer espontaneidade. Quer restituir ao homem as capacidades que a cultura lhe adormeceu. O surrealismo ama a arte dos povos primitivos, a arte dos loucos. Os loucos são os selvagens da nossa civilização, são os excluídos da normalidade. Os surrealistas amam a arte dos doentes mentais, porque veem nela uma liberdade criadora sem entraves nem limites. Os loucos trabalham fora das normas convencionais, fora daquilo que se convencionou considerar racional e útil. Os loucos não se preocupam com a rentabilidade ou o reconhecimento dos seus trabalhos. Obedecem apenas à irreprimível necessidade de dar corpo, de dar forma aos seus fantasmas. Eles sacodem as submissões, expressam o que de mais íntimo se desenrola dentro de si mesmos. programa teve locução de Inês Coelho, Rita Gracias e João Soares Santos. A realização foi de Inês Coelho.